Voyage en Orient de Lamartine, extrait commenté. En mer. Lamartine a le sens des formules fortes et ramassées, malgré une tendance à la profusion. Il sent parfaitement ce que constitue le voyage dans son sens le plus profond, comme possible mise en question de soi, de sa culture, comme prise de distance intellectuelle qui permet un regard nouveau sur son pays d'origine et sur son temps. Partir, c'est comme mourir quand on quitte ces pays lointains où la destinée ne conduit pas deux fois le voyageur. Voyager, c'est résumer une longue vie en peu d'années. C'est un des plus forts exercices que l'homme puisse donner à son cœur comme à sa pensée. Le philosophe, l'homme politique, le poète doivent avoir beaucoup voyagé. Changer d'horizon moral, c'est changer de pensée. Des collines d'Acre. Lamartine est un remarquable descripteur. Il sait observer le réel, mais il le construit en même temps selon une symbolique de l'espace qui lui est propre. Les paysages de la côte méditerranéenne, organisés selon une succession de plans qui entraînent le regard vers l'horizon, sont porteurs de spiritualité. Les références picturales qui sont ici convoquées renvoient d'ailleurs au XVIIe siècle. Sur le plan de l'esthétique orientaliste, le voyageur est plus proche du classicisme que de Delacroix. De l'élévation où nous étions placés, au débouché des collines d'Acre, notre regard y descendait naturellement, en suivait involontairement les sinuosités flexibles, et pénétrait avec elles jusque dans les anses les plus étroites qu'elles formaient en se glissant entre les racines des montagnes qui la terminent. À gauche, les hautes cimes dorées et ciselées du Liban jetaient hardiment leurs pyramides dans le bleu sombre d'un ciel du matin. À droite, la colline qui nous portait s'élevait insensiblement en s'éloignant de nous et allant comme se nouer avec d'autres collines, formaient divers groupes d'élévations, les unes arides, les autres vêtues d'oliviers et de figuiers, et portant leur sommet un village turc, dont le minaret blanc contrastait avec la sombre colonnade de cyprès qui enveloppe presque partout la mosquée. Mais en face, l'horizon qui terminait la plaine de Zabulon et qui s'étendait devant nous dans un espace de 3 ou 4 lieues, formait une perspective de collines, de montagnes, de vallées, de ciel, de lumière, de vapeurs et d'ombres, ordonnées avec une telle harmonie de couleurs et de lignes, fondues avec un tel bonheur de composition, liées avec une si gracieuse symétrie et variées par des effets si divers, que mon œil ne pouvait s'en détacher, et que, ne trouvant rien, dans mes souvenirs des Alpes, d'Italie ou de Grèce, à quoi je pusse comparer ce magique ensemble, je m'écriais « C'est le Poussin ou Claude Lorrain ?» Rien, en effet, ne peut égaler la suavité grandiose de cet horizon de Canaan que le pinceau des deux peintres à qui le génie divin de la nature en a révélé la beauté. On ne trouvera cet accord du grand et du doux, du fort et du gracieux, du pittoresque et du fertile, que dans les paysages imaginés de ces deux grands hommes, ou dans la nature inimitable du beau pays que nous avions devant nous, et que la main du grand peintre suprême avait lui-même dessiné et coloré pour l'habitation d'un peuple encore pasteur et encore innocent. La mosquée d'Omar. Lamartine met en scène, dans son voyage en Orient, plusieurs figures qui sont caractérisées par leur mixité culturelle et religieuse, ou au moins par leur désir de rapprochement, comme ici le gouverneur de Jérusalem, un arabe de Naplouse, qui apparaît comme un musulman progressiste et sur lequel le voyageur projette sans doute son propre rêve de nature œcuménique. La mosquée d'Omar, dite Dôme de la Roche, en arabe Koubet es Sakra, apparaît ainsi non plus comme un sanctuaire hostile aux non-musulmans, comme c'était encore le cas chez Chateaubriand, mais comme un terrain de rencontre possible, au moins sur un plan intellectuel. Quand je vis le gouverneur si bien disposé, je lui témoignai le désir, non pas d'entrer dans la mosquée d'Omar, puisque je savais qu'une telle démarche eût été contraire aux mœurs du pays, mais d'en contempler l'extérieur. « Si vous l'exigez, me répondit-il, tout vous sera ouvert. Mais je m'exposerai à irriter profondément les musulmans de la ville. Ils sont encore ignorants. Ils croient que la présence d'un chrétien dans l'enceinte de la mosquée leur ferait courir de grands périls, parce qu'une prophétie dit que tout ce qu'un chrétien demanderait à Dieu dans l'intérieur de El Sacra, il l'obtiendrait. Et il ne doute pas qu'un chrétien n'y demandât à Dieu la ruine de la religion du prophète et l'extermination des musulmans. « Pour moi, ajouta-t-il, je n'en crois rien. Tous les hommes sont frères, bien qu'ils adorent chacun dans leur langue le Père commun. Il ne donne rien aux uns, aux dépens des autres. Il fait luire son soleil sur les adorateurs de tous les prophètes. Les hommes ne savent rien, mais Dieu sait tout. Allah Kerim, Dieu est grand. » Et il inclina la tête en souriant. « Dieu me préserve, lui dis-je, d'abuser de votre hospitalité et de vous exposer pour satisfaire une vaine curiosité de voyageur. Si j'étais dans une mosquée d'El Sacra, je ne prierais pour l'extermination d'aucun peuple, mais pour la lumière et le bonheur de tous les enfants d'Allah. » Le poème d'Antar. Le roman d'Antar, qui renvoie à un poète quasi contemporain de Mahomet, mais qui fut rédigé bien plus tard, commença à être traduit en français autour des années 1830. Lamartine inséra dans son voyage en Orient des extraits de cette épopée bédouine, dont il apparaît ici comme un passeur, sensible à la voix vivante des conteurs nomades auxquels il s'identifie pendant un instant. Au-delà des différences de langue, de poète à poète, on se comprend. Le poème d'Antar est, comme je viens de le dire, la poésie nationale de l'arabe errant. Ce sont les livres saints de son imagination. Combien d'autres fois encore n'ai-je pas vu des groupes de mes arabes, accroupis le soir autour du feu de mon bivouac, tendre le cou, prêter l'oreille, diriger leur regard de feu vers un de leurs compagnons qui leur récitait quelques passages de ces admirables poésies, tandis qu'un nuage de fumée s'élevant de leur pipe formait au-dessus de leur tête l'atmosphère fantastique des songes et que nos chevaux, la tête penchée sur eux, semblaient eux-mêmes attentifs à la voix monotone de leur maître. Je m'asseyais non loin du cercle et j'écoutais aussi, bien que je ne comprisse pas. Mais je comprenais le son de la voix, le jeu des physionomies, les frémissements des auditeurs. Je savais que c'était la poésie et je me figurais des récits touchants, dramatiques, merveilleux, que je me récitais à moi-même. C'est ainsi qu'en écoutant de la musique mélodieuse ou passionnée, je crois entendre les paroles, et que la poésie de la langue chantée me révèle et me parle la poésie de la langue écrite. Faut-il même tout dire? Je n'ai jamais lu de poésie comparable à cette poésie que j'entendais dans la langue inintelligible pour moi de ces Arabes, l'imagination dépassant toujours la réalité. Je croyais comprendre la poésie primitive et patriarcale du désert. Je voyais le chameau, le cheval, la gazelle, je voyais l'oasis dressant ses têtes de palmiers d'un vert jaune au-dessus des dunes immenses de sable rouge, les combats des guerriers et les jeunes beautés arabes, enlevées et reprises parmi la mêlée, et reconnaissant leurs amants dans leurs libérateurs. Voyage en Orient, extrait commenté par Lamartine.